Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau débat comics. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seul derrière le micro, j'ai Sweep avec moi. Yo tout le monde! Et aujourd'hui, on arrive à la fin de l'année, on est en début décembre, il commence à faire froid, c'est de plus en plus normal de sortir l'appareil à fondu ou l'appareil à raclette. Bientôt, on aura le droit au bêtisier de l'année. Et bon, nous, on va pas faire de bêtisier, mais par contre, on va faire des grands bilans de l'année 2020. Donc, on va faire trois grosses émissions, une sur les comics, une sur les mangas et la dernière sur la pop culture. Est-ce que tu es prêt de participer à ce premier gros bilan de 2020 et peut-être même un petit aperçu de 2021, Nico? Oui, avec les quelques infos qu'on a. Pas grand-chose, mais bon, on essaye de faire avec. Alors, on va commencer simplement sur 2020. Est-ce que tu as quelque chose, en quoi cette année t'as marqué côté comics? Ça m'a marqué que je n'ai quasiment pas lu parce que je suis passé au manga. Mais après non, j'en ai relu, j'en relis récemment, mais vu que je suis quasiment que sur du Marvel, c'est le gros truc de l'année même de base, c'est qu'on a eu un gros trou comics avec tous les confinements, même aux États-Unis où il y a eu une bonne période où il n'y avait plus rien. C'est déjà le grand choc de l'année en tout cas. Et ouais, c'est vrai que le Covid a fait de mal pour beaucoup de choses. Alors moi, si tu veux, côté comics, je suis un peu comme toi, j'en ai quand même beaucoup moins lu que l'année dernière. Et en fait, ouais, non, là, c'est assez dramatique. Il y a beaucoup de choses qui ne m'intéressent plus. Mais bon, on va peut-être pas rentrer tout de suite dans les détails. Ce que je te propose, c'est qu'on va parler de comics en VF. Et on va faire un petit bilan sur nos éditeurs, que ce soit nos Big Two avec Urban et Panini. Et après, on pourra arriver progressivement vers les petits éditeurs. Alors, en 2020, côté Urban, voire même côté Panini, on peut dire que c'est définitivement la fin des formats kiosques. T'en penses quoi? Ah oui, maintenant, ouais, on a des formats qui sont un peu dans le style kiosque, mais qui, du coup, ne sont plus des kiosques parce que c'est plus en kiosque. Donc, c'est devenu la mort pour ce format. C'est la fin d'une ère, complètement. Même si, par exemple, Panini a ressorti son format à lui, qu'on peut trouver dans toutes les librairies et tout, qui reprend un peu le style des kiosques, mais c'est quand même assez différent. Et puis surtout, c'est plus accessible à tout le monde, que ce soit déjà par le côté livraison. Et bon, ça, on va pas encore taper dessus, mais côté prix, déjà, ça a monté, ça a un peu plus monté. Mais ouais, 2020, de toute façon, en plus avec le confinement, c'était encore pire, mais c'est la fin d'année pour le kiosque. Et c'est complètement dramatique. Et c'est surtout que même maintenant, quand tu prends Panini avec leur format Dawn of X, ils ont voulu imiter les US avec ça. C'était pas forcément soit une mauvaise idée. Mais par contre, le vrai souci, c'est qu'ils en ont profité pour grimper les tarifs et pour avoir tous les chapitres. Je crois qu'il faut débourser entre 10 et 15 euros. Je trouve ça complètement fou. Je crois que c'est 15 euros. Je vais vérifier ça peut-être en dernière minute. Je te dis ça de suite. Mais il me semble que c'est un tarif de 15 euros. Bon, alors, parce qu'il y a tellement de chapitres. Et en plus, je crois qu'il y en a deux par mois qui sortent. C'est ça. Il y a deux Off-X qui sort. Et... Alors, c'est même 16 euros. Voilà. Et je crois qu'ils ont même décidé de sortir une version collector en dur pour 20 euros et des brouettes. C'est ça, 20 euros les collectors. Enfin, je sais pas. Alors, certes, quand on est ultra fan des X-Men, mais bon, encore une fois... moitié des chapitres sont pas bons. Donc bon, est-ce que c'est vraiment utile? Exactement. Et maintenant, on peut en parler parce que bon, c'est quand même la grosse nouveauté pour 2020 côté Panini, c'est l'arrivée d'Hickman. Et c'est vrai que c'est pas super bon, c'est voire même un peu mauvais sur la moitié des séries. Et Panini, eux, se remplissent les fouilles à 16€ deux fois par mois, ce qui fait un total de 32€ rien que pour avoir les séries X-Men. Et encore une fois, c'est pas super bon et on peut pas les avoir en single parce que aux US. Eux, ils ont maintenu le format single avec le format Dawn of X qui sortait en TPB chaque mois. Mais le pire, même par rapport là, juste au coup de Panini, c'est que tu payes ça 16€. Et je n'ai pas trop regardé la taille, mais quand je regarde le nombre de chapitres, c'est quasiment le même nombre de chapitres presque que les kiosques, enfin, les formats kiosques qui sortent. Donc, on te fait un prix 1,5 fois plus cher qu'un kiosque normal avec quasiment le même nombre de pages. C'est là où je trouve ça hallucinant aussi. Alors, ouais, exactement. Tu dois avoir 6 chapitres par bordel. C'est parce ça. Parce que, ben, ça, encore une fois, ça reprend le format américain. Et vu qu'il n'y a que 6 séries X-Men, et ben forcément, il n'y en a que 6 qui sortent, quoi. Et parce même... que si, ouais, je sais pas, attends, j'essaie de retrouver le format américain, hein, combien ça coûte, hein. Écoute, je vais essayer de faire la conversation le temps que tu arrives de trouver ce genre d'infos. Mais ouais, c'est vrai qu'en 2020, côté version française, on peut dire l'arrivée d'House of X et de Power of X avec Hickman. Bon, nous, on en a beaucoup parlé avec Nico sur les Lions en Bulle, donc on ne va pas forcément faire un épisode spécial là-dessus où on va parler que de ça, parce qu'on va beaucoup se répéter. Globalement, on n'a pas beaucoup apprécié, en tout cas les deux séries de chez Hickman qui sont bien en dessous du reste. Que ça soit Nico ou moi, on a aimé Excalibur, Marauders et X-Force. Le reste, on peut facilement le jeter. Je mettrai au même niveau Fallen Angels et je peut-être même en dessous X-Men. Parce que Fallen Angels essaye de montrer de bonnes choses et puis au bout de deux chapitres, ça s'écroule comme un château de cartes. Et en bon dernier, je mettrais bien New Mutants. Donc ouais, ça c'est peut-être pour New Mutants en dernier. c'est vrai que ça c'est la grosse nouveauté et avec ce nouveau format qui est légèrement abusif où Panini nous prépare avec le sel pour bien se faire défoncer, c'est vraiment malheureusement c'est quelque chose qui est oubliable. Bon, après, pour revenir sur les kiosques, on peut parler de la concurrence qui est Urban qui a complètement oublié ça avec toujours des formats trimestriels, si ça existe encore, parce que bon, ça fait longtemps que j'ai lâché les kiosques. Mais voilà. T'as vu le nombre de... pour te donner une idée, en fait, Panini a tellement copié les US que le prix est quasiment le même aux USA. Enfin, quand je regarde, bon, désolé, mais là, la référence que je regarde, c'est Amazon, qui les fait quasiment à 16€ aussi. Mais la logique des US, c'est qu'ils sortent tout en single ou en TPB. Et 15-16€, c'est le prix d'un TPB pour rassembler tous les trucs. Mais nous, en France, vu qu'on a un format kiosque, le fait de prendre un prix TPB... alors que tu as des kiosques qui sont le même format, c'est pour moi un foutage de gueule. Donc Panini a voulu reprendre le principe, mais côté prix, pour moi, ils se sont complètement chiés, quoi. Surtout quand tu te dis que tu en as deux par mois, ça pique très fort, quoi. Bah, 32€. C'est ça. Et on retrouve vraiment le problème des magazines presse comme ça avec... avec des séries qui sont bonnes et qu'on veut lire, des séries qu'on ne veut pas lire. Donc c'est vrai que c'est le côté un peu désagréable de la chose, quoi. C'est ça, mais c'est je trouve ça hallucinant. Je comprends pas la logique à ce point de faire deux formats qui sont quasiment identiques mais avec des prix complètement différents, quoi. C'est Panini, quoi, hein. Encore une fois, on va pas tirer sur une ambulance, quoi, hein, mais presque. Ça serait nos spécialités, presque, on va dire qu'on abuse à force. C'est ça, on va dire que c'est notre marque de fabrique, c'est de défoncer ces pauvres de chez Panini. Bon, je te propose qu'on quitte un peu Panini parce qu'on va, on va y revenir, à mon avis, pour début 2021. Et on va essayer de parler un peu de Urban qui continue donc de publier les histoires du Dark Metal parce que bon, le Dark Metal, c'est ce qu'il y a que ça chez DC avec ce merveilleux scénariste qui est Scott Snyder et qui aurait dû s'arrêter il y a très très longtemps déjà. T'en as lu, toi, ou est-ce que tu en as lu plus que moi? Moi, Urban, j'ai arrêté déjà avec le deuxième volume de Batman Metal. Là. Rien que ça, ça m'avait énervé, je trouvais ça chier, j'ai arrêté. Après, j'ai relu du Urban récemment, mais pas du Metal. Quoi. Je suis plutôt parti sur Black Label. Ah voilà, et c'est vrai que c'est la deuxième grosse nouveauté en France, ça va être le Black Label qui est arrivé en force, c'est quasiment une publication par mois, non ? Quasiment, oui, vu qu'ils sont tout un tas de récits différents, il y en a un par mois. Et donc, on a commencé avec le White Knight, qui a été le premier récit labellisé Black Label qui est sorti en France. Et puis après, on a très vite enchaîné. Donc, on a eu Damned qui est sorti, Damné. T'as eu également la dernière histoire de Batman sur Terre et compagnie. Oui, je vois le Batman lequel tu parles. Ouais, voilà. Et avec toujours Snyder et Capullo au dessin. Et donc là, le mois dernier, au mois d'octobre, non, c'est même pas le mois dernier, c'est quasiment il y a deux mois maintenant, il y a eu Curse of the White Knight qui est sorti. Et ça s'est terminé c'est fin de mois dernier, avec le Wonder Woman qui est sorti. Tu l'as acheté d'ailleurs, non ? Non, parce qu'à la base, il devait sortir en décembre, donc je l'avais prévu, avait dessiné pour décembre à le prendre. Et quand il en sortit en avance, il me dit, ah, Nico, on l'a, je fais oui, mais non, moi, mon budget, il est déjà pris. Donc, je ne l'ai pas lu, mais j'ai entendu, je ne comptais pas le prendre de base, mais on m'a tellement dit du bien de ce Wonder Woman, et on me disait même que c'est l'artiste qui a fait justement Murder Falcon qui l'a fait, qui on m'a dit ça, et j'étais là, tu me le mets de côté, je le prends, parce qu'apparemment, il a l'air génial, et de tout ce que j'entends, c'est un des meilleurs comics Wonder Woman depuis des années. Et même si graphiquement, c'est très particulier, apparemment, c'est vraiment excellent. Alors, qu'est-ce que tu penses globalement du format dans lequel sort le Black Label en France ? J'aime beaucoup. Dans la logique, des fois je peux me dire, ou quand je regarde le truc, ça peut faire parfois un peu cher. C'est des trucs, moi par exemple, quand j'ai lu Harleen, j'ai lu aussi le Joker Killer Smile, c'est des trucs des fois où t'as juste 3 chapitres et donc après t'as fait tout un tas de dessins derrière et tout ça, mais en attendant t'y vas quand même pour la qualité. Le truc, c'est beau, c'est super grand, tu peux apprécier. Et et à chaque fois, c'est des récits excellents, moi, que j'ai eu. Donc, ça a été une des causes pour lesquelles aujourd'hui, je me dis que je vais recommencer à relire des comics. Le Black Label d'Urban en est une des grandes causes, parce que les derniers comics que j'ai achetés, c'était ça, c'était Harleen, Joker, le White Knight, le Curse of the White Knight, et j'ai pris tellement de claques avec ça que forcément, du coup, j'ai envie de continuer d'en découvrir d'autres. Quoi. Alors, pour moi... Ouais, vas-y. Non, vas-y, termine, excuse-moi. Juste le dernier mot, vu que c'est le Black Label, c'est vraiment un truc, comme ils disent, un peu adulte, et surtout, c'est des récits qui sortent d'une continuité, c'est que ça a des couilles, ça prend les risques s'il faut. Genre, le Curse of the White Knight, les risques que ça prend pour rechanger toute l'histoire par rapport au Wayne et tout, ça te rechange presque la mythologie de Batman et tout ça. Ça a tellement de couilles dans tout ce que ça veut mettre que justement, c'est ce qui fait que c'est bon. Et l'avantage aussi, c'est que souvent, ce sera un one-shot ou un tome, deux tomes, des trucs comme ça. Donc, si t'as aimé, c'est génial. Si t'as pas aimé, au pire, tu te seras pas ruiné en commençant une série à 2-3 tomes et tout ça. Là, t'auras lu ton truc, t'as pas aimé, puis ça, c'est fini. Alors, pour résumer, pour les lecteurs français, ce qui est sorti dans le Black Label sur ces... de dernières années, j'ai envie de dire, ça va être donc ça a commencé avec The White Knight, on a eu le Damné, Harleen est sorti dernièrement, la dernière histoire du Batman sur Terre, il y a eu Wonder Woman, là il y a eu Doomsday Clock également, et il y a eu quand même pas mal de choses, et on sent que Urban veut en faire sa ligne de conduite. Par contre, malgré que les histoires sont géniales, je à chaque fois que là j'achète du DC, c'est sur du Black Knight, c'est sur du DC Black Label, c'est pas forcément en français plus en VO, mais à chaque fois je craque et j'achète. Mais par contre, ce que j'apprécie moins avec Urban, c'est qu'ils vont nous sortir 2-3 versions du même récit en Black Label, et je trouve ça un peu abusé. Ah ouais, je comprends. T'as eu la version blanche déjà de base, la version couleur, et là tu parles par rapport à la version collector aussi qui est sortie. C'est ça. Avec, ouais, ça m'a. Après, ouais, je pense que les versions blanches collector, c'est vraiment pour les gens passionnés qui sont plus que lecteurs. Parce que moi, je l'ai pris en version couleur, par exemple, le Cures of the White Knight, parce que j'ai pas envie de me faire chier avec une version noir et blanche qui coûte plus cher, alors que j'ai envie de voir justement les couleurs et tout. Donc, je pense que ça s'appelle plus les collectionneurs avant tout. Tu vois, la dernière collection qu'ils ont sortie, qui est plus grande mais beaucoup plus chère, t'as 1000-1500 exemplaires parce que c'est juste pour les gens qui les veulent, quoi. C'est presque pas pour le lire, c'est juste pour l'avoir. Alors, à mon grand effondrement, moi, les White Knights, je les ai pris en noir et blanc. Parce qu'à l'époque où c'était sorti aux US, j'avais pris la version single, et la version single était en couleur pour le White Knight. Donc, quand j'ai décidé de me le prendre en français, ça me faisait chier d'avoir une version couleur. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le White Knight. Et j'ai très longtemps hésité avant de prendre le Curse of the White Knight. J'avais pris le Harley Quinn, qui est en fait la suite de Curse of the White Knight. Donc, en fait, là, j'ai plus le choix, je devais l'acheter. Et vu que j'avais déjà le premier en noir et blanc, je me suis dit, allez, fuck, j'achète le deuxième en noir et blanc. Et j'ai bien fait, parce que grâce aux spéculateurs, le Curse of the White Knight coûte déjà 55€ sur Price Minister. Ah, mais est-ce que tu comptes réellement le revendre ? Non. Voilà, donc ça sert à rien de regarder les spéculateurs. Oui, mais bon, quand même, c'est pour savoir l'état de santé de ma collection. Oui, bon, t'as raison. Donc voilà. Après, en ce qui concerne les autres éditeurs, j'étais tellement loin que j'ai pas forcément plus suivi. Je sais que... Oui. Vas-y. Un des trucs de base et grosse news de 2020 qui a chamboulé pas mal de monde, c'est l'arrêt des Power Rangers. J'allais en venir. Voilà. chez Glénat, ouais, c'est vrai qu'ils ont arrêté. Alors, je sais pas si tu as essayé de connaître la raison. Fallait regarder tout un truc, j'ai pas tout écouté, donc je connais pas totalement la raison. Alors, grosso modo, pour faire un résumé, Power Rangers est publié aux États-Unis chez Boom Studio, et c'est coproduit ou co-scénarisé avec Hasbro, qui est la grosse marque de jouets dans le monde, on va pas vous l'apprendre. Ah ouais. Et comment te dire que Hasbro demande beaucoup, voire même beaucoup trop pour Power Rangers, et c'est pour ça que Glenna arrête. Et il y a eu également une grosse chute entre le premier tome et jusqu'au troisième, et c'est quelque chose qui est assez dommage, parce que quand on prend Power Rangers, de mémoire, Glenna avait fait l'effort de vraiment publier la série à 10€, donc normalement il n'y aurait pas dû y avoir de chute libre de Power Rangers. Ouais, mais de toute façon, quand je regardais les commentaires, c'est un des nombreux défauts avec Glénat, c'est qu'ils ont arrêté plein de séries qu'ils ont publiées, il y en a plein qu'ils ont arrêté comme ça, et donc ça fait rager tout le monde, quoi. Eh ben, X-Files, par exemple. Ouais. Donc, ouais, c'est vrai que Glénat est à l'accoutumée de ça. Ils aiment bien essayer d'avoir des grosses licences, par contre, dès que ça marche plus, ils ont pas de pitié, ils arrêtent tout de suite. C'est ça. Et c'est le gros défaut du truc, c'est que quand tu t'y mets et que t'as pas la suite, c'est relou, quoi. Et c'est pour ça qu'après, tu te mets à la VO. Ouais, ben c'est ce qui s'est passé, moi, avec Panini sur certains trucs. C'est ce qui m'a fait commencer la VO. Donc voilà. Donc oui, c'est vrai que t'as Glénat qui a arrêté Power Rangers. C'est vraiment la dernière grosse news côté Glénat pour la fin de l'année. En ce qui concerne Delcourt, on peut dire qu'ils ont vu la fin de Walking Dead. Donc ça c'est fait, c'est plié. Côté Bliss et Snorgle, ils se concentrent quasiment uniquement maintenant sur le crowdfunding. Ils n'arrivent plus à se financer d'eux-mêmes pour pouvoir proposer de nouvelles choses, et c'est vrai que le crowdfunding propose un minimum de risque pour l'éditeur. T'en penses quoi d'ailleurs de cette histoire de crowdfunding? Pour moi, ça peut être une bonne chose. Enfin, c'est-à-dire que déjà, ça te sauve un peu l'éditeur. Puis, si tu sais que tu veux avoir quelque chose, moi, par exemple, j'avais fait le crowdfunding sur, c'était quel comics qui est sorti, c'était un truc de, c'était un truc d'Assassin qu'avait sorti, Bliss Comics, je sais plus le nom. Je sais que j'avais participé et en plus j'avais mis plus comme ça, j'avais Savage aussi qui était compris dans mon lot. Mais ça permet de sortir des comics un peu de temps en temps, ça peut être une bonne chose vu qu'ils ont commencé à sortir. Après, le problème c'est que est-ce que ça les sauvera réellement du truc? Je ne suis pas tout à fait sûr. Mais en attendant, c'est peut-être, ça leur permet peut-être de tenir un peu, soit jusqu'à l'échéance, soit jusqu'au moment où il y aurait une éclaircie pour qu'il soit sauvé, on va dire. Mais moi, ça ne me dérange pas. Il y en a plein. Déjà, de base, le crowdfunding, ça existe depuis longtemps. Et après, c'est vrai que le fait que ce soit des éditeurs qui le fassent, c'est plus de simples personnes comme avant. Déjà, ça fait un gros choc, j'ai envie de dire, parce que ça change même quand tu te dis qu'un éditeur peut faire des crowdfunding. D'un côté, c'est-à-dire qu'il a peut-être aussi envie de prendre des risques, mais il fait un crowdfunding pour être sûr de ne pas y perdre. Parce qu'il me semble quand même que Bliss sort encore des comics hors crowdfunding. Oui. Mais non, en attendant, ouais, voilà, s'ils veulent sortir des trucs qui est peut-être risqué, mais ils sont sûrs de ne pas y aller à perte, le crowdfunding peut être une bonne solution. Je vois que ça marche pas mal. Puis si ça marche pas, vu qu'ils ont rien lancé, ils peuvent être sûrs qu'ils vont pas y perdre, quoi. Sauf l'achat de la licence à la base pour pouvoir le sortir, c'est le seul défaut. Et encore, je me demande. Oui, non, mais c'est vrai que Bliss, il tourne beaucoup, il est quasiment uniquement sur Valiant, donc la licence, ils l'ont déjà. Et pareil pour. Pour Snorlax, ils ne prennent pas de risque parce qu'ils ont déjà les licences également. Ils ne prennent pas le risque de se dire tiens, on finance de 10 000 euros pour une nouvelle finance. Oui, c'est ça. Donc voilà. Et alors. Côté petit éditeur, je voulais peut-être terminer sur iComics qui ne se fait pas beaucoup entendre parler par les deux, mais il continue et il continue aussi à sortir pas mal de qualité, je trouve. Ah, moi, je trouve qu'ils ont un super catalogue. Déjà, ils ont réussi à récupérer Lock and Key. Enfin, ils ont eu Lock and Key qui est une très bonne chose. Moi, je sais que là, dans les prochains mois, je dois me les prendre, mais ils nous ont sorti des Scott Pilgrim en version couleur en plus. Intégrale, je crois que c'est juste en 3 tomes et tout. Mais non, franchement, ils réussissent à avoir un bon catalogue et à bien tenir quand même. Je suis assez fier de iComics qui, pour moi, est un nouveau et tient bien la route et qui donne assez confiance. Alors, par contre, le seul défaut, je dirais que c'est un peu comme Oulena, quand une série ne fonctionne pas, ils arrêtent tout de suite. Ils avaient commencé à rééditer la légende de Dritz en version intégrale. Et j'attends toujours le deuxième tome bien 2 ans après, quoi, quasiment. Ouais. C'est vrai que c'est un peu frustrant. Ouais, mais après, ouais, vu que ça repart sur un truc tout nouveau pour eux, c'est plus compréhensible peut-être que Glénat qui, eux, n'ont normalement un budget. Donc. Et c'est sûr. Après, quand tu prends le catalogue, comme tu dis, il est très fourni entre Lock and Key, Tortue Ninja, c'est vrai. Ils ont aussi les Rick and Morty. Bon, je ne sais pas vraiment si ça fonctionne énormément en France, mais bon, vu comment la série cartonne sur Netflix, à mon avis, il doit bien y avoir des personnes qui l'ont acheté. Donc, c'est vrai que tout ça, ça permet à eux d'avoir des grosses licences et peut-être même des grosses licences un peu oubliées. Parce que les Tortues Ninja, ça avait été délaissé par Soleil. Rick and Morty, c'était un coup de poker, mais ça a bien marché. Et Lock and Key, ils les avaient déjà, donc c'est déjà pas mal, quoi. Ouais. Donc voilà. Après, c'est vrai que bon, moi, dernièrement, j'ai vu Invisible Kingdom qui avait gagné quelques Will Eisner. Et c'était quand même assez bien sympathique. Écoute, maintenant qu'on a fini de parler des éditeurs de 2020, je te propose de passer en 2021 côté VF. Et on va peut-être commencer par un event qui va arriver chez Panini avec Empire. qu'ils ont décidé de garder le même format que pour The No Fix. Donc ça veut dire gros sel et sodomie à plein souhait. Et on peut même dire qu'ils vont continuer la sodomie, histoire que tu puisses bien le sentir avec le nouveau fascicule Star Wars qui est plus cher que le dernier. Non, plus cher ou moins cher, je ne sais plus. Mais bon, il n'y aura que deux chapitres au lieu de quatre. Ou trois chapitres au lieu de quatre. Enfin bref, ils augmentent le prix par page. Est-ce que tu me laisses faire ma bonne action du jour? Allez, vas-y, fais ta bête. Je me suis posé la question pour avoir râlé par rapport au format Dawn of X. En fait, quand même, par rapport entre les formats et les kiosques qu'ils ont de base, j'ai regardé un Spider-Man, c'est 112 pages, et les Dawn of X qui sortent, quand même, c'est 168 pages. C'est quand même une 40-50 pages de plus. Donc, bon, 16 euros, ça fait beaucoup, mais de monter genre à 12 euros, j'aurais compris, quoi. Alors, attends. On va faire ça quelque chose tout simple. Tu me disais que Dawn of X, combien de pages et le tarif est de combien? 168 pour 16 euros. Ouais, ça fait... attends, 168, ça fait quasiment du 10 centimes par page. Et le fascicule sur Spider-Man, c'est combien le tarif déjà? 112 pas, 112 pour 8,90. Et là, tu prends le tarif par page, on est à 8 centimes. Ouais, donc tu vois, au final, c'est pas loin, ouais. Et ils augmentent à chaque fois de 2 centimes. Oui, donc, ça augmente, arrive, oui. Ça augmente. Certes, faut aussi jouer l'avocat du diable. Il y a eu le Covid qui est passé par là. Donc, on peut supposer qu'ils ont augmenté les tarifs à cause du Covid et qu'ils ont perdu de l'argent. Et on peut aussi compter l'inflation. Mais ça fait quand même beaucoup. Ah oui, non, c'est pour ça que j'ai dit ça aurait été 12 euros, j'aurais compris, ça fait un peu trop. Mais voilà, une des explications, c'est qu'on a quand même 50 pages de plus. Mais voilà, donc j'ai fait l'avocat du diable, maintenant on peut continuer. Donc, donc voilà, donc c'est vrai qu'on va avoir donc ce nouvel event Empire qui va sortir. Peut-être qu'on va avoir Black in Night qui va pas tarder à sortir juste après Empire. Et... vu que c'est actuellement en VO là, on devrait l'avoir. 6 mois après. Fin d'année, ouais, 6 mois après, ouais. S'il n'y a pas de troisième vague. Oui. Et après, au niveau du Star Wars, donc ils ont décidé de remettre à zéro parce que les séries, les premières séries Star Wars, Dark Vador, Docteur Aphra sont terminées et on arrive sur la V2, donc la version, enfin, on arrive sur la partie qui se passe après l'épisode 5. Donc, ils ont décidé de recommencer la numérotation pour ça. Donc voilà, bon, maintenant qu'on a parlé de Panini, on va arrêter de parler de Panini parce que ça me gonfle énormément. Je te propose qu'on parle un peu de chez Urban parce qu'on va voir en 2021 la fin de cette putain d'event de merde qui était Dark Metal. Oh putain, oui, enfin... Ah, si tu veux, on peut parler d'un autre truc qui va arriver, qui apparemment était bidon aussi, qui va arriver en France, et qui est Free Joker, qu'on va retrouver sans doute en Black Label. Oui, bah alors quand je disais que j'achetais du... Mais on va en parler en VO, ça, je pense que ça sera mieux. Mais oui, on va avoir également les gros succès des Black Label qui vont arriver. Donc, comme tu as dit, il y a Free Jokers. On va avoir Harley Quinn, qui est la suite de Curse of the White Knight, qui devrait également sortir. Et normalement, j'espère qu'en VO, ça sera enfin terminé. Mais on devrait avoir également... Joker Harley, criminal enquête ou une carrière comme ça. Je sais plus le titre. Attends, je triche. Alors déjà fait partie, il va falloir. Ah, il revient. Voilà, Joker Harley, criminal sanity, qui était prévu en 8 chapitres et ça fait depuis quasiment un an que ça sort et on devrait peut-être l'avoir en VO au complet et peut-être l'avoir en fin d'année prochaine chez Urban. Donc ouais, c'est tout ce que je retiens d'Urban. Après, je n'ai pas d'autres choses. T'as d'autres choses, toi, chez Urban, qui devraient sortir, qui devraient être pas mal? Vu que je suis pas trop la VO d'ici, et que non, voilà, comme ça, je pourrais pas te dire. j'ai pas vu d'annonce pour de nouvelles licences, peut-être indé ou autre. Donc Urban a parlé les licences de DC, donc j'en vois pas plus. D'accord. Ben écoute, c'est vrai que au niveau des petits éditeurs, j'ai pas d'autre chose. Après, on pourra parler beaucoup plus de beaucoup de choses, mais voilà. Au niveau publication, j'ai pas grand chose à dire en plus. Je pense que les films, on va en parler au niveau de la pop culture dans 15 jours. Ça sert pas forcément à grand chose de revenir là-dessus maintenant. Et si, une chose que je voudrais parler et qui a quand même pas mal bouleversé le monde. Non, on parle en VO également. On va attendre la catégorie VO pour ça. Donc voilà. Comme d'habitude, cette émission est complètement déstructurée. Tease un peu, t'allais nous parler de quoi là ? Moi, je suis intéressé maintenant. Eh bien, écoute, je propose qu'on coupe la partie VF pour s'attaquer à la partie VO. Allez. Et donc, au niveau de la VO, il s'est passé énormément de choses en 2020. Et on va peut-être commencer donc par parler de la plus grande crise du comics qu'il y a eu chez DC Comics, avec cette vague exceptionnelle de licenciements. Et je pense que, en plus du Covid, en plus de l'arrêt des comic shops et compagnie, des publications également, c'est une des choses qui a le plus marqué hors Covid. Ah ben, c'est aussi un des fruits où ils doivent avoir un souci, ils sont en crise avec le fait d'avoir changé de distributeur. Oui, c'est pas faux. Putain, oui, il y avait ça aussi, mais... Ouais, ça a été le premier élément un peu de ce qui a tapé sur la gueule d'ici, ouais. Et après, ouais, toute cette vague de licenciements où beaucoup se sont alarmés par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est complètement inédit et ça a continué. Je crois qu'il y a quelques jours, ils avaient encore annoncé une nouvelle vague de licenciements. Ça s'arrête jamais chez DC, c'est dramatique. Ah putain, ça j'avais pas vu il y a quelques jours, mais ouais, ça serait la perte d'une légende, j'espère pas, mais c'est vrai que c'est inquiétant par contre. En fait, ce qui est... Ouais, vas-y, continue. Je vous dis, s'ils continuent que c'est vraiment en crise, est-ce qu'on va pas avoir un rachat de DC peut-être ? Enfin, DC a déjà été racheté, mais... Les mauvaises langues disent ça. Moi, ce qui m'inquiète réellement, en fait, c'est que qu'on n'a plus de Big Two. Les Big Two sont décédés, ça n'existe plus. Ce qu'on a, c'est un Big One. C'est Marvel. Ah ben oui, là, actuellement... Non, le problème, c'est que la distribution est plus sur Diamond Comics, donc je sais pas trop comment on peut comparer par rapport aux ventes maintenant entre les deux. Mais ouais, moi déjà j'ai l'impression que rien que l'event du merde, c'est quoi l'event que tu détestes déjà ? J'ai une mauvaise mémoire. Voilà, Dark Metal, il faut déjà que ça nique tout l'univers d'ici. Alors ouais, je pense que là Marvel est en position et DC sont vraiment dans la merde. Et alors du coup, vu qu'ils ont quitté Diamond comme tu as dit, bizarrement maintenant on a DC qui a envie de révolutionner le monde de la BD, enfin le monde du comics aux US, en disant que on va se concentrer uniquement sur des histoires qui vont sortir qu'un seul moment et compagnie. Enfin, je trouve ça un peu abusé, quoi. Ils se sont merdés, ils se sont viandés, et là ils essayent de se dire tiens, on va révolutionner la chose et de sortir que des TP quasiment. C'est leur objectif. Ouais, en fait, ils veulent faire que des one shot, quoi, ouais, que des histoires d'un coup et puis voilà. Ouais, c'est ce que je comprends. C'est la force du Black Label, mais s'ils font que ça, le problème c'est que tu perds tout un univers, quoi. C'est con à dire, parce que je kiffe le Black Label pour les couilles que ça prend, mais ils ont quand même un univers à entretenir, sinon, ben, en fait, t'as une licence, une vache à lait, et tu peux y faire tout et n'importe quoi, parce que chaque auteur voudra foutre une histoire. Si un mec veut faire une histoire où, finalement, Bruce Wayne voulait devenir un clown, et il est devenu le Joker, mais en même temps, il s'est devenu un Joker chevalier, ou un truc, il pourra faire ce qu'il veut, parce que ce sera un one-shot d'un univers alternatif, et ils en auront rien à foutre. Et c'est ce que j'avais entendu chez Comi, c'est que en plus de se concentrer sur des one-shots, ils veulent travailler également sur un univers partagé où, en fait, on pourrait retrouver tout n'importe quoi dans les comics, c'est qu'en fait, on peut en retrouver une histoire complètement indépendante de Batman qui ne sera pas forcément sur la même terre que le Superman qui sortirait le même mois. Donc ça partirait complètement au coup. Ah bah, de toute façon, si tu veux tout faire en one shot, forcément tu feras tout sur des univers alternatifs et tu n'aurais rien qui se croiserait. Sauf si tu as des mecs comme par exemple Sean Murphy qui décide de se créer son propre univers et il ferait des trucs dessus. Mais donc voilà, ça c'est vraiment la grosse news triste de 2020, quoi. Ouais, je sais pas ce qui va se passer d'ici, quoi. De l'autre côté, du côté de chez Marvel, les choses vont plutôt bien. Les chiffres sont plutôt bons. Hein. Eux, ils profitent à fond de la chose. Un an plus tôt que la France, ils sont déjà passés sur l'après Star Wars épisode 5 en ce qui concerne Star Wars. Les publications qu'on a marchent bien. Ils ont racheté Alien et Predator. Et en fait, tout continue à bien aller pour Marvel, et ils sortent alors j'ai pas lu les derniers events. Est-ce que t'as lu Empire ou est-ce que t'as lu malheureusement Empire? Bah, vu que je suis sur Marvel Unlimited, c'est 6 mois de retard, j'attends que Empire soit plus ou moins terminé pour le lire sur l'application, mais j'en ai vu du bien dans les commentaires comme du mauvais, donc je sais pas trop quoi en penser. Je sais que là il y a King in Black par contre qui arrive, le premier chapitre est sorti aujourd'hui au moment où on tourne. Ou ouais. Sorti hier, mais apparemment c'est énorme. Mais non, sinon moi c'est plutôt 2019 côté Marvel VO, et c'est arrivé juste cette année en France. Mais par exemple c'était le Absolute Carnage qui là était ouf, quoi. Mais Marvel, si je dois critiquer un peu, j'ai l'impression que moi sur les quelques lectures que je fais, sur les grosses licences, ils se chient beaucoup. Jason Aaron avec ses Avengers fait que de la merde à mes yeux. Spider-Man de Spencer, pareil, ça m'a, au bout de 3 TPB, 4 TPB, j'en étais déjà gonflé. Les X-Men, ben, la moitié c'est du raté, mais quand tu regardes les séries comme Immortal Hulk, comme Venom qui sont géniales, moi qui ai lu des trucs qui sont un peu comme un one-shot, comme le Marvel's X, qui du coup est en fait un préquel à Earth X qu'on a ressorti là récemment en France, et qui d'ailleurs le Marvel's X va sortir là en décembre, ou encore le comic Star que j'ai lu qui était aussi ouf. J'ai l'impression que sur ces grosses licences, il se chie pas mal. Après, le Captain America était pas trop mal, faudrait que je le continue, mais le Zdarsky, Daredevil de Zdarsky a l'air vraiment énorme. Mais les trucs comme Spider-Man 2, ils se chient pas mal, mais sur des petits trucs, des fois à la con, ils ont l'air de faire des bons trucs. Marvel, donc après, dans tous les cas, ben, y a un truc, même si l'Avengers de Jason Aaron, je le trouve à chier, le truc, c'est que vu que c'est lié à tout et que tout est lié en même temps, tu le lis un peu, vu que c'est des grosses licences. Mais ouais, bon, par contre, surtout côté X-Men, là, avec le renouveau d'Hickman, tu vois, c'est un peu leur vache à lait. Ils ont sorti déjà les 6 séries qu'on connaît, mais maintenant, t'as les séries Lyon, les séries Cable, la série Wolverine qui sort en plus. Sword. Oui, mais ça, c'est vrai, c'est une sorte d'event X-Men après X-Sword. Alors, je te parle pas... Ah non, oui, Sword, d'accord. Oui, Sword, okay. qui est la station au sud de la Terre, où tu as l'organisation Sword qui est là pour protéger la Terre des extraterrestres. Et du coup, après Empire, apparemment, c'est les X-Men qui vont récupérer la station et qui va gérer la défense de la Terre. Ok. Mais ouais, voilà quoi. Donc, ils en sortent beaucoup. Le truc, donc, ben, moi, j'ai suivi que les 6 premiers. Tout ce qui est. J'attends un peu, que j'ai tellement de mémoire de poisson que je préfère lire 3, 4, 5 chapitres d'un coup, parce que sinon, j'oublie entre chaque chapitre. Mais j'attends un peu de voir pour tout ce qui est justement Elion, Cab et tout ça, ce que ça vaut, Wolverine aussi. Mais donc ils sortent énormément de séries, énormément de choses, on a même des trucs comme Maestro que j'aurais jamais pensé revoir qui va ressortir. Bon à la base c'était, je voulais le garder pour le tease 2021, mais bon c'est dans les trucs qui vont en ressortir, t'as les Eternels qui vont ressortir. Enfin ils te sortent plein de licences. Même j'ai découvert récemment, par exemple, ta Fantastic Four Antithesis. Enfin, ils sortent énormément de séries. Donc pour eux, je pense que Marvel, eux, ils vivent leur life à fond, quoi. Avec tout ce qu'ils sortent. Ouais, alors excuse-moi de te couper. Après, la particularité de Marvel, c'est comme Panini, ils attendent que le comics sorte, enfin qu'un film sorte au cinéma pour en profiter pour faire une série ou autre pour attirer du monde vers ça également. Oui, aussi. D'où le fait qu'Eternals va revenir. Ouais. Mais ça, j'espère que le comics sera une bonne chose parce que le film, ça n'a pas l'air d'être le cas. Je te propose qu'on attende. On en reparle dans 15 jours. Pourquoi dans 15 jours? Pourquoi dans 15 jours? Parce qu'on va parler de la partie pop culture et que ça sera bien dans la pop culture. Oui, ok, je suis à tes pas. Le mec est vachement au courant de toutes les rubriques qu'on fait, tu vois, c'est génial. Hein. C'est ça. donc voilà. Et donc c'est vrai que 2020, chez Marvel, tout va bien. Et bon, on a un peu parlé de 2021 également, du coup, et eux ils roulent sur les roulettes extrêmement, tout va bien, et ça, c'est pas que c'est triste, mais ça fait chier, quoi. Honnêtement, moi j'aimerais bien les voir un peu plus galérer. Un des trucs qui serait bien pour lesquels on voudrait qu'ils galèrent, c'est de sortir plus de bonnes séries, enfin que vraiment sortir des trucs, enfin je sais pas, c'est. Il y a du bon et du mauvais, est-ce qu'il faut en vouloir tout le temps? Je sais pas, quoi. Le problème, c'est que quand t'es fan d'une série, par exemple, et que tu passes sur du bon et après que t'es du mauvais ou des choses comme ça, genre les mecs qui aimaient bien Avengers, là actuellement ils sont en train de souffrir. Ah ouais, non, mais c'est horrible. Jason Aaron, bon, j'ai pas voulu prendre les TPB, parce que bon, les TPB chez BD Ciné, comme tu sais, ça coûte un peu plus cher que la VF. Mais c'est tellement chier que j'avais pas envie. Même quand j'avais Marvel Unlimited, j'avais pas envie de les lire. Ah ben moi je les ai lus en TPB, j'ai pas repris sur Marvel Unlimited, mais quoi que si, j'ai lu jusqu'à Marvel Unlimited, jusqu'à l'arc avec les Ghost Rider. Mais en fait tu te rends compte qu'il fait des mini-runs où chaque TPB c'est une histoire. Et après, tu passes à un nouveau truc, t'as zéro continuité, t'as rien. Puis même, je lisais les critiques et tout, donc déjà, ouais, t'as zéro continuité, c'est relou. Et même, il t'a créé ce truc d'Avengers préhistorique, mais qui tient pas du tout la route, parce que ça a aucune cohérence avec l'univers, avec des trucs comme le phénix qui est venu sur une femme juste parce qu'elle est rousse, ou des trucs comme ça. Ouais, avec, c'est un peu cheaté. Après, tu vois, bizarrement, je sais pas ce qui me choque le plus, et j'aime bien, en fait. C'est triste, mais j'aime bien. Ah, je sais pas, moi j'ai pas trop kiffé non plus, mais donc voilà, Jason Aaron il fait n'importe quoi, il y en a beaucoup qui, comme moi, qui n'apprécient pas du tout, quoi. Alors, par contre, chose qui est arrivée chez Marvel et que je suis très curieux de lire et que j'attends avec impatience que je vais me prendre à BD Ciné prochainement, c'est le Thor. Ah, Thor de Donny Cates? Ouais. Ah, ça. J'ai eu du mal au début, j'ai pas apprécié. Puis je suis arrivé dans le chapitre 3, 4, 5, 6 et j'ai un truc comme du sang qui est venu en bas de mon corps comme si je voyais une jolie fille. Tellement ça me faisait plaisir. D'accord. Donc j'avoue, mais de toute façon, Donny Cates, c'est actuellement, à mes yeux, c'est la poule aux œufs d'or de Marvel. Je veux dire, c'est quand tu regardes les gros succès qu'il y a, c'est la série Venom, Absolute Carnage. T'as donc le King in Black qui est actuellement qui est ouf. Son Thanos win est génialissime, ses Gardiens de la Galaxie étaient dingues, son Silver Surfer Black était génial, et la Thor c'est pareil. Tout ce qu'il fait chez Marvel, c'est un succès, quoi. Ouais, alors par contre, tu vois, la vraie poule aux œufs d'or qu'ils avaient, c'était Bendis, et ils l'ont écrasé. Et il était fatigué à la fin. Plus rien. Et c'est ce que j'ai peur pour Donny Cates. Ouais, mais je sais pas, peut-être qu'ils ont pris une leçon ou j'en sais rien. Bendis, ils l'ont fait travailler, ils faisaient des longs runs. Tu vois, Donny Cates, Thanos, il a fait un tome, je crois, un tome, deux tomes. Silver Surfer Black, c'est un tome. Après, on a quoi? Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure, par exemple? J'avais dit les Gardiens de la Galaxie, c'est deux tomes. Je pense qu'il le laisse faire ses mini-trucs à lui, créer ses propres trucs, et il se crée même son propre univers, vu que quand tu regardes, t'as le Cosmic Ghost Rider qui arrivait dans l'univers par rapport à Thanos Wynn, le Silver Surfer Black qui était lié au Gardien de la Galaxie, des trucs comme ça. Il se crée son mini-univers et je pense que Marvel le laisse un peu faire à sa sauce, tous ces trucs, parce qu'il a l'air de lui bien comprendre l'univers Marvel et essayer de trouver les mystères pour en faire des failles. Par exemple, le Black Winter, qui était justement en fait la catastrophe qui avait détruit l'univers de Galactus quand il était encore Galen. On n'en savait pas plus, et lui, il a créé, il a donné un nom à ce phénomène, et il le fait apparaître. Donc je pense qu'il prend des mystères, des trucs comme ça, et il crée à sa sauce. Donc je pense qu'il le presse pas trop, il le laisse faire comme il veut. Mais après, à la longue, oui, comme toi, j'espère qu'ils vont pas trop abuser. Alors, je pense qu'on a beaucoup parlé de Marvel, et on va peut-être revenir un peu à DC, et on va parler d'une... pas d'un event, mais plutôt d'un label qui commence peut-être un peu à apprécier un peu trop, si tu vois ce que je veux dire. Non. On va parler du Black Label. Ah, d'accord. Oui. Ça, c'était tellement évident, je pensais pas que c'était ça. Mais si, mais bon, tu vois, c'est très évident, mais c'est totalement ça, parce qu'en fait, si tu veux, on l'a évoqué très rapidement sur ce qui devrait sortir en 2021 avec Fruit Jokers. Alors je sais pas si c'est du Black Label ou pas, mais t'as Rochard qui sort également. Il y a une mini série sur Rochard, le nouveau Rochard chez DC. Je sais pas si c'est du Black Label ou pas. Je suis en train de chercher. Je sais pas parce que Doomsday Clock là-bas ils l'ont pas mis en Black Label. Si, il a été requalifié en Black Label au moment de la sortie du hardcover. Ah ben ouais, donc c'est ça, ben je pense qu'il va être en Black Label aussi alors. Donc voilà, donc vu que Vertigo n'existe pas, American Vampire revient mais sous le côté Black Label et voilà. Donc je comprends mieux pourquoi Urban a reclassifié beaucoup de trucs en Black Label en fait, vu qu'il n'y a plus Vertigo, ils ont tout remis en Black Label. C'est ça, t'as tout compris. Ok. Et donc on a complètement tout ça qui est en train de bouffer la chose et ouais non j'ai peur pour c'est Rochard, c'est bien du Black Label et j'ai peur pour DC, donc en plus qui arrive sur qui essaie de recréer la chose tout à zéro, ce côté Black Label où on fait souvent appel à des personnes qui peuvent vite se fatiguer. Bon, certes, Rochard, c'est pas... Merde, comment il s'appelle ? C'est pas Geoff Johns, c'est Tom King, donc pourquoi pas, ça devrait être pas si mauvais que ça. Mais on prend Geoff Johns avec Doomsday Clock, Free Jokers, c'est frustrant, ça, c'est usant. Moi, Free Jokers, c'est ce que j'ai cru comprendre. Beaucoup étaient déçus pour les... Et alors, du coup, c'est con parce que ça m'intrigue de les lire juste pour comprendre pourquoi ils ont été déçus. Alors, je ne suis pas forcément déçu, si tu veux. C'est un comics que tu lis, que tu kiffes le début. Donc, vu qu'il n'y a que trois chapitres, tu kiffes le chapitre un et demi. Le chapitre et demi. Et tu arrives sur la fin, tu dis « Ouais, bon, en fait, tout ça pour ça. » Ouais, d'accord. Et pourtant, il y a de bonnes idées, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout pour Free Jokers. Et j'ai peur que pour le Black Label, ils n'aillent pas jusqu'au bout. Après, encore une fois, ça dépendra d'où le Black Label sera situé. Free Jokers veut se placer dans la continuité de Batman, donc il ne pouvait pas tout révolutionner. Contrairement à Sean Murphy avec Curse of White Knight, où il a décidé de se débarrasser de tous les super-vilains. Il n'y en a plus aucun maintenant. Si tu viens de spoiler le truc à un point pas possible. Ça va, on est sur la partie VO, c'est sorti l'année dernière, je ne spoil pas. Et puis ça se passe au chapitre 4, donc ça ne spoil pas. Il y a 8 chapitres au total. En tout cas, je me désolidarise de ce qu'ils viennent de dire. Si vous, il y a des gens qui veulent nous tuer, c'est Jeff, pas moi. Voilà. Moi, j'ai fait exprès dans ma critique, ma review sur ma chaîne, j'ai fait exprès de ne pas expliquer ça. Donc, voilà. Bref, passons. Passons, mais voilà, si tu veux, moi, le Black Label, j'ai l'impression qu'il use et compagnie. Par contre, ça, on en reviendra pour 2021, mais voilà, j'ai l'impression que tout ça s'use et j'ai peur pour l'avenir du Black Label et donc, du coup, pour DC tout court. Parce que sans le Black Label, DC est mort. Ah ben oui, puis même si je regarde Black Label, il y a énormément de... C'était déjà le cas un peu dans les comics, mais c'est encore pire. J'ai l'impression que Black Label, il y a énormément de Batman, d'univers Batman. Putain, mais c'est que Batman. DC, c'est Batman. C'est ça. C'est... Et c'est peut-être le truc un peu chiant, presque. Avec tout ce qu'ils ont à côté, genre en Black Label, sur du Aquaman, sur du Green Lantern, j'achète direct. Et même justement sur des persos que je connais moins, mais si on fait une aventure intéressante sur un personnage même que je connais moins, ben je prendrais, parce que si c'est bien fait, tu peux rapidement comprendre le personnage et on peut te faire un truc adulte et super sympa. Quoi. Mais t'imagines, alors, tu vas me dire qu'il était apparu dans Damné, mais t'imagines sur Hellblazer? J'achète direct, mais là, je vends mon âme même pour ça, s'il faut. Je vends mon âme pour ça. Et je me demande s'ils ne sont pas déjà en train de préparer quelque chose sur Hellblazer et le Black Label. Peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Il me semble en avoir entendu parler, mais je ne suis pas sûr. C'est peut-être mes fantasmes de la nuit qui me disent ça. Donc, je ne sais pas. À voir pour 2021, peut-être. Ouais, donc... Alors, si. Ils ont bien lancé quelque chose qui s'appelle Hellblazer Rise and Fall, qui est une mini-série en 3 épisodes de 48 pages, scénarisée par Tom Taylor. Et okay, les graphismes ne sont pas dégueulasses. J'avoue, ça me tente beaucoup. Voilà. Mais c'est vrai qu'on peut s'attendre à des choses comme ça qui pourraient être mieux, mais non, en fait, ça c'est beaucoup de Harley ou de Joker, ou de Batman. Il n'y a pas de juste... Mais c'est tout l'univers de Batman, quoi. T'as du Joker, du Harley, du Batman. C'est bien, mais c'est un peu déjà le reproche qu'on faisait à DC. Il y avait beaucoup trop de Batman. Mais là, sur le Black Label, ils s'en font encore pire. C'est encore pire. Alors, par contre, toi, tu les achètes en français. Il y a quelque chose que moi, j'aime pas vraiment dans le Black Label, c'est le format. Ah ouais, moi j'aime bien justement. Tu les as achetés en VO ou en français? En français. Alors, en VO, quand tu prends le format single, parce que je suis assez maso pour les acheter en single, tu vas voir... Oui, non, je suis vraiment maso parce que ça coûte 2 dollars plus cher que les chiots classiques de chez Marvel. Mais bon, le papier est plus intéressant, la couverture est plus dure et compagnie. Mais bref, ouais, c'est pas là où je voulais en venir. Tu as deux formats différents. Tu vas avoir le format HU classique et un format plus haut et plus large. Oh mon Dieu. Ce n'est pas possible de ranger dans ma bibliothèque. J'ai les Harleen avec les TPB. Ouais, non, mais c'est... Ouais. Mais c'est un peu comme les formats qu'on avait eu. Là, c'est côté Marvel, mais avec les grands designs, avec... Moi, que j'ai acheté en VO, le Marvel History of the Universe ou le Silver Surfer Black. C'est des trucs aussi grands, voire même plus grands que les absolutes qu'on a en VF, qui ne rentrent pas dans ma bibliothèque et qui sont couchés sur un étage, empilés les uns sur les autres. Alors, c'est pas aussi grand, mais bon, je te montrerai la prochaine fois que tu passes à la maison le Harleen et tu verras à quel point il est grand, en fait. Ouais, ça marche, je regarderai ça. Et bon, alors, après avoir parlé du Black Label, je pense un peu en large et en long, en travers, que ce soit en français ou en VO, j'aimerais vite fait m'attarder chez les petits éditeurs, parce qu'il y a des choses qui sont passées, qui sont pas mal du tout, notamment chez Titan Comics, où ils ont fait un crossover cross-média, pour être plus précis, sur Doctor Who. Sérieux? Ouais. Tu as le comics Doctor Who. Attends, je l'ai acheté. Qui s'appelle Time Lord Victorious. Et si tu veux, donc tu le retrouves en format comics, donc le classique, hein, je vais pas te rappeler. Ouais. Tu le retrouves en livre audio, tu le retrouves en roman, en nouvelle également. Et ça a... Alors dans le comics, je ne l'ai pas totalement lu, mais en le feuilletant, j'ai vu qu'il y avait au moins 10 et 13. Donc 10 et 10 et 13. Ouais, d'accord. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Et c'est quelque chose qui est assez inédit et assez un gros bill pour en parler quand même, même si on ne parle pas beaucoup de comics Doctor Who, même si Akileos a complètement abandonné Doctor Who. Doctor Who étonne toujours autant en Angleterre et aux US avec cet énorme crossover. Quoi. Ah mais pour eux, surtout en Angleterre, c'est un phénomène, Doctor Who. Donc voilà, pareil, ça on pourra en parler à mon avis lors de dans 15 jours avec la pop culture, avec le des prochains épisodes de Doctor Who. C'est plus spécial Noël, mais c'est spécial Nouvel An avec le retour de Jack Harkness. Ouh, ah oui, tu en avais parlé, c'est vrai que ça tente. C'est tentant, tu vois. Tu le revois, tu dis putain, j'ai juste envie de regarder pour revoir Jack. Ouais. Bon, de toute façon, j'ai beaucoup de choses à rattraper, mais bon. Oui, mais moi aussi. Et alors ça, c'est du côté de chez Titans. On a parlé de Boom Studio avec Power Rangers, avec la série qui coûte trop cher. Mais alors, c'était sorti sur pendant le Free Comic Book Day. Et il y a une histoire également qu'ils ont décidé de développer chez Power Rangers qui me tente bien. C'est l'histoire donc de la Rangers Rose, de la Pink Rangers qui se fait corrompre dans un futur alternatif où les Rangers sont perdus. Ah, effectivement, ça peut être pas mal ça. Et ça devrait. Alors, c'est sorti en issue. Mais j'attends le TPB qui va sortir début 2021 et je vais me faire un plaisir de me lire ça. Il me tarde, mais bien comme il faut. Et pourtant, à la base, je ne suis pas forcément très, très Power Rangers. Ouais. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais dire pour terminer l'année 2020 sur en VO. Toi, tu es vraiment ancré Marvel DC. Hein. Tu n'es pas comme moi. Tu n'essayes pas de te varier avec du IDW, du Titans. De toute façon, déjà, un VO pur et dur, mais c'est que du Marvel parce que je lis sur tablette avec un abonnement. Après, VF, je vais repartir un peu sur tout. Genre, par exemple, j'ai déjà prévu de me prendre sans doute les Scott Pilgrim versus The World, et peut-être avec le temps, quand je verrai des nouveaux trucs ND aussi qui sortent, s'il y a un truc en France quand il sort, je l'achète day one, déjà j'hésite quasiment à le prendre en BO, c'est le comics crossover de Donny Cates. Ah oui, gros succès apparemment. Je suis allé à la librairie, comme ça je fais, ah il vous en reste, il m'a dit on s'est fait délivrer dès le premier jour, donc j'ai compris, mais bon c'est Donny Cates, donc forcément ça fait vendre. Mais ça fait partie des trucs qui m'intéressent beaucoup en indé. Mais sinon, après, oui, je suis beaucoup... Alors déjà, je prends plus tant de comics que ça parce que je fais énormément manga. Mais je prends beaucoup, ouais, plutôt Marvel ou DC. Et ouais, alors attends, j'essaie de trouver les chiffres de Diamond pour novembre, mais je n'arrive pas à trouver. Alors, je suis en train d'essayer, mais c'est vrai que le crossover de Donny Cates, apparemment, il a fait un carton plein, quoi. C'est fou. Ça fait plaisir. Mais c'est fou. Novembre, je ne sais pas si c'est sorti. Non, je n'arrive pas à trouver. Mais voilà. Donc voilà. Vite fait, du coup, pour parler de 2021. Chez Marvel, donc on va voir l'event qui a commencé au mois de décembre qui va se poursuivre. Et tu as Jason Aaron qui va sortir son tout nouveau crossover avec le Phoenix UPU. C'est génial! Ouais, c'est Aaron. Quoi. Ouais, d'accord. C'est quoi? C'est pas là, Rusty, ça a été teasé. Il est pas en train de refaire une Five Phoenix où la Force Phoenix va être divisée en plusieurs personnes. Là. J'ai bien l'impression. Oh putain. Et c'est là où tu vois, on arrive sur un point d'arrêt de chez Marvel. Ils n'arrivent plus à se renouveler. Ils nous ont sorti un Civil War 2. Là, maintenant, ils sont en train. C'est pas teasé comme ça. Je pense pas qu'ils vont le nommer comme ça. Mais ça pue le Avengers versus X-Men 2. Ben, vu que déjà, c'est un truc qui a l'air de mêler Avengers et X-Men, il y a des chances, oui. Donc, ouais, je suis très désappointé de ça, il me tarde pas du tout. Putain, merde. Mais pas, ouais. Non, j'ai pas envie. Mais c'est, en fait, le problème, c'est ça, c'est que. Alors, mis à part Empire, j'ai pas lu et tout. Mais j'ai l'impression que les gros trucs events qu'ils veulent faire, de base, en ce moment, sur tous les Avengers ou autres, il se chie un peu. Tu vois, celui-là, je le sens pas trop. Civil War 2, c'était pas trop ça. Mais à côté, des trucs où je vois, bah après, le problème, c'est que je suis encore en train de glorifier. Mais les trucs qui marchent vachement, qui sont surtout, par exemple, je crois que Sword of X, ça a peut-être bien marché. Mais sinon, tu vois, Absolute Carnage, ça a super bien marché. Bon, là, King in Black, avoir commencé à finir, mais ça a l'air de bien démarrer et tout. J'ai l'impression que quand c'est lié à plus à un truc, c'est mieux ficelé et mieux fait que là, quand ils veulent faire un gros truc général, hein, comme ils font, quoi. Mais écoute, on pourrait refaire le procès de Marvel, c'est simple. C'est très simple, en fait. C'est pas forcément l'endroit pour le faire. Mais le problème de Marvel, c'est quoi ? C'est qu'il n'y a plus de conséquences. On revient à un statu quo. Ouais. Ah oui, de toute façon, c'est ça. Ouais. Et tu vois, ça a été le gros problème pour moi de Secret Empire, qui devait être un énorme carton. Le seul problème, c'est que ce retour au statu quo fait que ça n'a pas fait le carton estompé. Et je pleure mon Civil War, je pleure mon Avengers versus X-Men à la rigueur, voire même mon House of M, où maintenant il n'y a plus de conséquences et que tu peux faire de la merde et que ça posera de problème à personne, en fait. Parce qu'on retourne sur un statu quo et c'est ce que Marvel nous fait. Et en fait, et quand ils n'ont plus d'idées, au lieu de faire un statu quo, ils se disent, tiens, qu'est-ce qu'on va faire comme chose ? Ah, j'ai une idée géniale ! On va reprendre un event qui a marché, mais on va un peu changer deux, trois choses quand même pour éviter que ça se voit qu'on a tout pompé. Et on va peut-être même l'appeler autrement, mais voilà. Et ils repompent et c'est chiant, putain, merde. Ah ben c'est le problème de l'univers continu, quoi. C'est qu'à un moment, forcément, ils n'ont plus d'esprit, ils n'ont plus d'inspi, et ils ne peuvent pas faire des trucs trop sérieux qui vont stopper certains trucs. Donc, c'est un peu Ouroboros, quoi. C'est le serpent qui se mord la queue. Il fait un cercle et c'est infini, mais au bout d'un moment, tu reverras toujours les mêmes choses. Et c'est là où on va faire une magnifique transition sur DC et 2021, où eux, ils posent. Ils essayent de poser les couilles sur la table, ou là les ovaires, parce que maintenant c'est une femme qui gère d'ici, et ils essayent de lancer quelque chose de nouveau avec le Future State, où en fait ils ont renouvelé le projet de 5G qui ne s'appelle plus 5G, qui s'appelle Future State, qui va se passer sur un futur un peu plus lointain, et qui va laisser un énorme trou au point de vue des années. La Future State va fonctionner pendant 2-3 mois pour voir comment ça va fonctionner. Et après, on va reprendre la 4G avec les héros habituels, qui est Batman, dans la peau de Bruce Wayne et compagnie. Mais à la rigueur, tu vois, le Future State me tente énormément. J'ai précommandé des numéros à BD Ciné parce que ça me tente et que je voulais voir l'avenir de DC et je trouve ça courageux. Ouais. Et tu as entendu parler de cette Future State ou tu t'en parles ? Pas du tout. Ça, je n'ai pas du tout entendu parler. Alors, si tu veux, ils vont essayer de renouveler la chose avec le Future State et essayer de montrer le futur des héros. Ça va se durer sur 2 mois, donc en 2021, janvier et février. Tu vas voir donc des chapitres qui vont s'appeler The Next Batman avec John Ridley, avec ce fameux Batman noir. Bad Girls avec un S, je précise. Tu vas voir Dark Detective, Red Hood, mais voilà, ça sera le futur de ça et ça promet être intéressant. Et par contre, tu vois, dans le Future State, ils mettent en pause tous leurs gros éditeurs, enfin tous leurs gros scénaristes. On ne voit plus de gros scénaristes et c'est assez audacieux. Je crois que Bendis va faire qu'un seul numéro, pour te dire. C'est vraiment essayer peut-être de lancer quelque chose de nouveau. Certes, tu vas avoir d'autres personnes, des personnes assez connues dans le monde des comics, comme Marguerite Bennett, qui va avoir une série. D'ailleurs, au dessin, il y aura Marguerite Sauvage sur la série Kara-Zor-El Superwoman. Donc, pareil, tu vois, on a évolué. Supergirl est devenue Superwoman. Donc, c'est impossible que, tu vois, je suis curieux de voir Et voilà, et j'en ai pris quelques-uns, mais ouais, donc, tu vois, c'est quelque chose qui me hype. Au moins, même si au bout de 2 mois, on va retrouver nos héros classiques, pendant 2 mois, ils vont tenter quelque chose de nouveau. Et si ça marche, on peut espérer que ce projet de 5G qui a été avorté et puis qui a été recréé en Future State pourrait peut-être revenir et être quelque chose d'un peu plus sérieux, on va dire. À voir avec l'avenir. Vu l'état dans lequel ils sont, oui, ça peut être un pari à faire. Et pareil, tu vas voir Wonder Woman avec Joelle Jones. Ouais. Et bon, c'est une dessinatrice qui marche fort. On peut la voir dans Lady Killer. Mais il me tarde, tu vois. Je ne vais pas tout prendre. Je crois que je vais prendre même que ces deux-là que j'avais demandé. Mais voilà, il me tarde pas mal ça, quoi, en fait. Donc voilà, après, en ce qui concerne les autres petits éditeurs, il n'y a pas grand-chose à dire, malheureusement. On arrive très vite à quelque chose de zéro, quoi. C'est assez triste. Il n'y a qu'une annonce que je retiens pour 2021 et qui me tarde un peu. C'est la série Sweet Paprika qui va être scénarisée et dessinée par Mirka Andolfo. Donc, t'as peut-être lu Mercy ou pas encore, Nico ? Non, jamais. Alors, je sais que ta compagne l'a pris. Tu peux lui prendre parce que c'est du très bon. Mirka Andolfo, qui est une dessinatrice et scénariste italienne, qui va arriver avec son own personnage qui fonctionne fort sur son Instagram, qui est Sweet Paprika, et on va suivre cette histoire de cette diablesse. Qui travaille pour une chaîne de télévision et qui sort avec un ange. Donc, honnêtement, va voir son Instagram. Elle dessine pas mal de choses avec Sweet Paprika et ça me donne clairement envie. Les sorties vont être quasiment simultanées entre l'Italie, les États-Unis et la France. Sweet Paprika va sortir en mai en Italie, juin aux US et juillet en France, et c'est sympa ça aussi. Oui, effectivement, c'est bien que ça suive comme ça. Donc voilà, il me tarde ça, mais voilà, c'est sûr qu'après 2021, c'est pas quelque chose qui m'inspire côté comics, quoi. À part les séries Star Wars que je vais prendre, je suis pas en extase devant 2021. Ouais, moi c'est à dire côté ND, je suis pas trop. Alors là, en plus en VO, je suis très très loin du compte. Alors que moi, tu vois, je suis quasiment passé sur du 100% VO, ça fait plaisir. Ah, mais moi c'est ce que j'étais au moment, mais vu que je suis passé manga maintenant, je me dis, je m'emmerde plus, quoi. Je vais prendre en français, puis voilà. Je te comprends et également. Je pense qu'en début 2021, il faudrait qu'on fasse un podcast tous les deux du pourquoi on a décidé de quitter les comics. Ça peut être une bonne chose, effectivement. Allez, on se garde pour le premier sujet de 2021. Et note-le. Je le note. Sur ce, je pense qu'on a tout dit. Je te laisse le mot de la fin, Nico. Enfin, ta phrase de la fin, on va dire, histoire que tu puisses conclure ce podcast. Putain, tu m'as pris du pourvu. Je sais pas quoi dire. D'ici va mourir, voilà. Et ben sur ce, moi j'ai envie de vous dire qu'une seule chose. Au revoir. Au revoir. Why am I? He don't need a why. Do you deny I'm not puzzled? 地で自由を持て余したく